Chapitre 25e. En revenant à Paris, le colonel s'était dit que la première visite qu'il ferait serait pour son oncle et sa petite cousine. Il y avait si longtemps qu'il ne les avait vus, et précisément par cela même que son mariage le plaçait vis-à-vis de Thérèse dans une situation fausse, il voulait être le premier à leur annoncer cette nouvelle. C'était un devoir qu'il accomplissait envers eux, affirmant bien ainsi que les liens de parenté qui les unissaient n'étaient pas relâchés pour lui. Ils étaient sa famille, toute sa famille. Il leur annonçait son mariage et les invitait à y assister. Mais les paroles de Madame de Lucilière modifièrent ce projet. S'il était vrai que Thérèse l'aimât, est-ce que ce ne serait pas cruauté d'aller annoncer à cette pauvre petite un mariage qui la désolerait? Sans doute elle connaîtrait ce mariage car il était impossible de le lui cacher. Mais ce n'est pas du tout la même chose d'apprendre une part une nouvelle par hasard ou directement de la bouche même de celui qui se marie. Quelle contenance prendrait-elle devant lui? Serait-elle maîtresse de se contenir? Lui-même, quelle attitude garderait-il vis-à-vis d'elle? Décidément, il valait mieux ne pas aller les voir. Il écrirait à son oncle. Et, le coup porté par une lettre, s'il était vrai que son mariage dût porter un coup à Thérèse, il irait faire sa visite. Dans les dispositions où il se trouvait, il était mal préparé pour compatir au chagrin des autres. S'il avait pu, il aurait demandé aux autres de compatir aux siens. Mais il n'avait personne à qui s'adresser, car à personne il ne pouvait confesser la vérité. Comment dire la raison vraie qui l'obligeait à prendre Carmélita pour femme? D'un autre côté, comment avouer la situation dans laquelle il se trouvait à l'égard de Thérèse? Comment avouer celle dans laquelle il était à l'égard de Madame de Lucilière? Tout cela était ridicule, au moins quant à lui. Était-il rien de plus misérable que son incertitude et que son irrésolution? Et lui qui s'était cru un homme de volonté et d'action, quelle leçon, quelle honte! Comme on est faible, une fois qu'on s'est engagé dans une situation fausse. Il n'alla donc point rue de Charonne, et il n'écrivit point non plus à son oncle. Elle était difficile à faire, cette lettre, que Thérèse lirait, en tout cas elle était délicate. Il réfléchirait à la forme qu'il lui donnerait, il pèserait ses termes. Après tout, il n'avait pas urgence à écrire un jour plutôt qu'un autre. Demain, après-demain, plus tard. Un matin qu'il réfléchissait à cette lettre, car il ne l'oubliait pas, et comme toutes les lettres retardées qu'on doit écrire et qu'on n'écrit pas, celle-là s'imposait souvent à son esprit pour le relancer et le tourmenter. Un domestique vint lui annoncer que M. Antoine Chamberlain demandait à le voir. Son oncle. Décidément, il avait trop longtemps réfléchi. Il descendit vivement au premier étage et courut à son oncle, les mains tendues. « Heureux de vous voir, mon cher Édouard, » dit Antoine. « Et moi, mon cher oncle, malgré tout le plaisir que j'ai à vous serrer la main, je suis fâché que vous m'ayez fait votre visite avant de recevoir la mienne. Je m'en doutais. Ah, et c'est pour cela que je me suis justement dépêché de venir vous demander à déjeuner, si je ne vous dérange pas. Jamais, vous le savez bien. Vous n'avez pas à sortir. Tantôt oui, pour le moment non. Nous déjeunons donc ensemble. En tête à tête, n'est-ce pas, comme la dernière fois. Vous avez à me parler. Oui. Et vous, de votre côté, n'avez-vous rien à me dire ? Ces paroles d'Antoine causèrent une vive surprise au colonel. Pourquoi son oncle se doutait-il qu'il voulait l'aller voir? Et pourquoi aussi avait-il tenu à prévenir cette visite? Antoine le regardait en souriant avec une figure joyeuse. « Vous paraissez heureux, mon oncle. »« Oui, très heureux. Et j'ai plus d'un sujet de contentement. Nous allons causer de cela en déjeunant. Vous savez comme la table me délie la langue. » Le colonel sonna pour donner des ordres, puis... revenant à son oncle, ma petite cousine va bien, j'espère. Pas trop, mais ce ne sera rien, un peu de fièvre. Thérèse avait la fièvre et son père, qu'il aimait si tendrement, disait qu'il était très heureux. Comment expliquer cela? Il y avait une autre question que le colonel avait sur les lèvres et qu'il retenait, ne sachant trop comment la poser. Cependant, il se risqua, sachant combien vivement le sujet auquel elle se rapportait préoccupait son oncle. « Avez-vous eu des nouvelles de l'affaire de mon cousin » dit-il enfin, se servant du mot « mon cousin » pour atténuer ce qu'il pouvait y avoir de pénible pour son oncle dans cette interrogation. « Oui, et de bonnes. Au moins sont-elles bonnes pour mon égoïsme de père. » On renonce à poursuivre l'affaire. Les présomptions du juge d'instruction ne pèsent sur rien de précis. Je vous l'avais bien dit. On ne trouve pas de preuves. Votre assassin a emporté le nom de ses complices dans sa tombe, et comme la police n'a pu mettre la main sur le fourrier, décidément introuvable, il n'y a pas de charge contre celui que vous appelez votre cousin. Il peut rentrer en France. Et doit-il rentrer? Je vous le demande. Je n'en sais rien. Mon gérant m'a écrit qu'il avait reçu sa visite, et que dans cette visite, Anatole avait touché la somme mise par moi à sa disposition pour s'installer en Amérique, puis qu'il avait disparu, et qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu. Vous voyez, je vois que la situation que je lui offrais là-bas ne lui a pas convenu. Voilà tout. Je le regrette, mais à vrai dire, je n'en suis pas très surpris. Il fallait travailler, et cette perspective l'a effrayé. Je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est de le mettre en position de vivre de ses rentes. Parlez-vous sérieusement? Sans doute. Il y a des gens ainsi bâtis qu'on peut craindre beaucoup d'eux quand ils n'ont rien, et qui deviennent parfaitement inoffensifs du jour où ils ont quelque chose. Il faut voir si Anatole rentre dans cette catégorie. Je me ferai un scrupule de vous offrir quoi que ce soit, parce que vous ne voulez rien devoir qu'à vous seul, et parce que vous tenez à honneur de travailler. Mais Anatole n'est pas dans ses idées, et il ne sera pas du tout humilié par mes propositions, si elles lui paraissent suffisantes. À ce moment, on vint prévenir le colonel que le déjeuner était prêt. Et avant qu'Antoine eût pu répondre, ils passèrent dans la salle à manger, où le couvert était mis comme le jour où il avait été question entre eux du mariage de Thérèse avec Michel, c'est-à-dire que la table était servie de telle sorte qu'ils n'auraient pas besoin de domestiques autour d'eux et qu'ils pourraient causer librement, en tête-à-tête, comme l'avait demandé Antoine. Celui-ci s'assit à sa place et, ayant déplié sa serviette, il commença par se verser un plein verre de vin. Puis, emplissant aussi le verre de son neveu, il regarda un moment le colonel en souriant. « Avant tout, dit-il en levant son verre, je veux boire à votre mariage, mon cher Édouard. Comment, vous savez? Eh oui, je sais. À votre santé, mon neveu, et à la santé de ma nièce, que je ne connais pas, mais qui, j'en suis certain, doit être digne de vous, et qui vous donnera le bonheur que vous méritez. » Et Antoine vida son verre tandis que le colonel le regardait stupéfait. « Et qui vous a appris ce mariage ? » dit-il. « Est-ce qu'il n'est pas vrai ? Vous paraissez étonné. Étonné que vous le sachiez, car il est vrai. À la bonne heure. Car avec votre air stupéfait, vous m'aviez fait peur. Je pensais que j'avais peut-être commis quelques sottises. Vous savez, les journaux sont si trompeurs. Alors c'est par les journaux que vous avez appris mon mariage. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai appris, c'est Thérèse. Ah, c'est Thérèse. Et qu'a-t-elle dit en lisant cette nouvelle, un peu bien surprenante, n'est-ce pas ? Elle n'a rien dit. Et il est probable que nous ne la connaîtrions pas encore, si elle avait été seule à l'apprendre. Au reste, il vaut mieux que je vous raconte comment la chose s'est passée. Ce sera encore le plus court de procéder avec ordre. Le colonel, avant tout, avait voulu savoir quel effet l'annonce de son mariage avait produit sur Thérèse, car ce que son oncle lui avait dit jusqu'à ce moment l'avait jeté dans l'incertitude. D'autre part, Antoine paraissait beaucoup plus joyeux que de coutume, comme s'il lui était arrivé un grand bonheur personnel. Et d'autre part, il annonçait que Thérèse était assez mal portante. Comment concilier cela? Était-ce l'annonce de son mariage qui causait cette joie chez Antoine? Était-ce cette annonce qui avait donné la fièvre à Thérèse? Il était impossible de poser des questions directes à ce sujet. Et en réalité, le plus court, comme l'avait dit Antoine, était de procéder avec ordre, surtout avec patience. Hier soir, commença Antoine, avant le souper, Michel était sorti. En rentrant, il rapporta un journal, et comme le souper n'était pas tout à fait prêt, en attendant, il se mit à lire le journal. Tout à coup, il pousse une exclamation qui nous fait lever la tête à tous. Thérèse, Denisot, Sorieul et moi. Tous les quatre, nous le regardons, et Sorieul demande ce qu'il y a de si extraordinaire dans le journal. « Rien, » répond Michel. « Allons donc, » dit Denisot, « on ne pousse pas un pareil cri pour rien. Il y a quelque chose que tu veux nous cacher. Si l'empereur est mort, ne mets pas tes gants pour nous en faire part. Plus vite que ça, mon petit Michel, hein ?» Thérèse et moi, nous ne demandions rien. Thérèse, vous saurez pourquoi tout à l'heure. Moi, parce que chaque fois que je lis les journaux, j'ai peur d'y trouver le nom de quelqu'un que vous connaissez. Combien de fois, en commençant un article ainsi conçu, un crime affreux vient d'être commis. Me suis-je arrêté sans oser aller plus loin? Enfin, Thérèse et moi, nous ne disions rien. Mais Sorieul et Denisot pressaient Michel, qui me regardait d'un air qui me donnait froid. Sorieul voulut même prendre le journal, mais Michel ne le laissa pas faire. « C'est une nouvelle qui concerne votre neveu Édouard, » me dit-il. « Vous pensez, si cela me rassura. » « Encore un assassinat, sans doute. » Ce fut la question que Sorieul posa tout haut et que moi je n'avais pas osé poser tout bas. « Mon bon oncle, il ne s'agit pas d'une mauvaise nouvelle, » dit Michel, « au moins pour le colonel. »« Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite que mon cousin Édouard se marie ?» interrompit Thérèse. « Vous pensez si à ce mot il y eut des exclamations ?» On voulait voir le journal, moi avant les autres. C'était vrai. Je vis que vous épousiez Mademoiselle Carmelita Belmonte, nièce du prince Mazzazzoli. Là-dessus, Sorieul nous dit que les princes Mazzazzoli avaient joué un rôle dans l'histoire des républiques d'Italie. Il en eut pour un moment à nous citer les livres qui parlaient des ancêtres de votre futur. Pendant qu'il faisait son récit, une réflexion me traversait l'esprit. Comment Thérèse avait-elle appris votre mariage avant tout le monde ? Il est de fait que cela est assez étrange. Je lui posai ma question, elle me répondit qu'elle avait lu le matin même cette nouvelle dans le Sport. « Tu l'as lu ce matin et tu ne nous l'as pas communiquée ?» s'écria Sorieul. « Voilà qui est un peu fort. » Et il se fâcha contre elle. Moi, je ne me fâchais point, mais je lui demandais pourquoi elle nous avait eu cette nouvelle, qui pour nous était cependant intéressante. « Et que répondit-elle ? » « C'est que je ne sais trop comment vous répéter sa réponse. » « Telle qu'elle l'a faite, mon oncle, sincèrement, sans rien y changer, je vous en prie. » « Au fait, vous savez bien que Thérèse a pour vous la plus grande amitié et qu'il n'est jamais entré dans son esprit la pensée de vous blâmer en quoi que ce soit. »« J'en suis certain, mon oncle. Ne craignez donc pas de me blesser ou de me peiner en me répétant cette réponse. » Elle nous a dit « Je ne vous ai pas parlé du mariage de mon cousin Édouard. » C'est parce que j'ai pensé que mon cousin viendrait nous l'annoncer lui-même, et qu'il serait fâché de voir qu'il avait été prévenu. « Oh, c'est une raison, » répondit Sorieul. « Pour moi, je ne sais pas si cette raison est bien bonne, mais enfin, elle l'a été pour Thérèse. Vous savez qu'elle a le caractère quelquefois bizarre et qu'elle se fait des affaires des choses les plus simples. » Le colonel ne répliqua rien, car il se demandait si cette raison était vraiment celle qui avait empêché Thérèse de parler. À la rigueur, cela était possible, mais cependant cela lui paraissait peu probable. Antoine, continuant son récit, ne lui laissa pas le loisir d'éclaircir ce doute. Bien entendu, pendant le souper, il ne fut question que de votre mariage. Chacun dit son mot, excepté Thérèse, qui ne dit rien du tout. Mais Sorieul ne la laissa pas tranquille. Il se mit à la gronder, parce qu'elle lisait le Sport, disant qu'une fille dans sa position ne devait pas s'intéresser aux courses de chevaux. Et là-dessus, il prétendit que c'était vous qui l'aviez corrompue en la conduisant aux courses du bois de Boulogne. « Vous ne croyez pas cela, je l'espère, mon oncle. »« Assurément non. » C'est une idée comme une ampoule dans la tête de Sorieul, qui s'amuse à chercher la raison des choses et qui la trouve plus ou moins bien. Enfin, Thérèse ne répondit rien, et la discussion finit. Après le souper, chacun sortit et je restais seul avec Thérèse. J'avais un travail pressé à écrire et je voulus m'y mettre. Tandis que Thérèse s'installait, comme à l'ordinaire, auprès de ma table, avec sa couture. Mais je n'étais pas en train, les idées ne me venaient pas, et je ne pouvais même pas trouver mes mots. Quand je levai les yeux dessus mon panier, je voyais que Thérèse n'était guère en train elle-même, et qu'elle regardait plus souvent devant elle que sur sa couture. Était-elle déjà souffrante ? C'est probable. Seulement, elle n'en avait rien dit. Elle m'avait paru dans son état ordinaire pendant la journée. Pour moi, si je ne pouvais pas travailler, ce n'était pas parce que j'étais malade, mais parce qu'une idée me bouillonnait dans la tête et m'empêchait de penser à ce que je devais faire. Je ne suis pas habitué à me laisser distraire et habituellement, mon esprit obéit à ma volonté. C'est que l'idée qui me tourmentait était plus puissante. Je sentis qu'il était inutile de vouloir s'obstiner dans mon travail et, serrant mes papiers, je me tournai vers Thérèse. Vous devez bien vous douter quelle était cette idée. C'était le mariage de Thérèse. depuis que vous aviez bien voulu venir avec nous au moulin flottant pour entretenir Thérèse de mon projet. Il avait été question entre elle et moi trois ou quatre fois de ce projet, et sa réponse avait été la même, plus tard. C'est celle même qu'elle m'a faite. C'est celle qu'elle me faisait toujours, et de si mauvaise grâce, avec un air si malheureux, si résigné en même temps, que depuis longtemps j'avais renoncé à lui adresser de nouveau ma demande. Bien certainement, j'avais toujours ce mariage à cœur, et je le désirais aussi vivement, plus vivement même, que le jour où je vous avais demandé votre concours auprès de Thérèse pour la décider. Mais enfin, je ne voulais pas lui faire violence, et il me semblait que s'il avait osé, elle ne m'aurait pas répondu « plus tard », mais que franchement elle m'aurait dit « non ». Dans ces conditions, je ne voulais pas insister davantage, car tout en souhaitant ce mariage, il ne me convenait pas de violenter le consentement de ma fille. Et c'était le violenter que de lui arracher un « oui » qu'elle ne voulait pas donner librement. J'avais donc renoncé à la tourmenter, attendant que son « plus tard » fût arrivé. Et cependant, il faut vous dire que jamais les raisons qui me faisaient désirer ce mariage n'avaient eu autant de force. Savez-vous que depuis que nous nous sommes vus, j'étais condamné à un mois de prison ? En prison, vous, mon oncle. Ah, cette prison-là, ça n'est pas déshonorant. Seulement, c'est gênant. J'ai été condamné pour politique. Le gouvernement, après avoir provoqué le mouvement ouvrier dans l'espérance de le diriger et de s'en servir pour faire peur à la bourgeoisie, a été pris de peur lui-même quand il a vu qu'il n'y aurait jamais rien de commun entre nous et lui. Vous me direz qu'il a été bien longtemps à faire cette découverte. C'est vrai, mais enfin, il l'a faite. Et du jour où il a été éclairé à ce sujet, il a commencé à nous poursuivre. Bien entendu, j'ai été un des premiers pris. On m'a envoyé en police correctionnelle et j'en ai eu pour un mois. Ce que le gouvernement favorisait la veille était devenu, du jour au lendemain, coupable. Il y a comme cela des coups de lumière qui éblouissent subitement tout le monde. Le chef de l'État, les ministres, les juges. Par une chance remarquable, le jour même où je sortais de prison, Sauriol y entrait à son tour. S'étant fait condamner à 3 mois. Sauriol ? Pas pour la même chose. Vous devez vous rappeler que Sauriol disait toujours qu'il écrirait les grandes idées qu'il roulait dans sa tête quand le moment serait venu. Il s'est enfin décidé. Il a écrit une brochure portant pour titre « Les Césars par un César ». C'était une critique de la vie de César par Napoléon III, et si vive, si pleine d'allusions, que Sauriol a attrapé 3 mois de prison. Un peu plus, Thérèse restait seule à la maison. Ce que j'avais toujours redouté, vous devez vous en souvenir. Voilà pourquoi je dis que ça a été une chance que Sauriol entrât en prison le jour même où j'en sortais. Mais ce qui avait failli arriver pouvait se réaliser une autre fois. Car la prison, j'entends la prison politique, n'a jamais guéri personne. Ce n'est pas parce que les tribunaux m'avaient condamné qu'ils m'avaient fait renoncer à la lutte. J'ai continué ma tâche, nous avons continué notre organisation en l'étendant, et en ce moment, je suis sous le coup de nouvelles poursuites. Il est donc probable que prochainement, je vais de nouveau quitter la maison pour rentrer en prison. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de l'Empire ou jusqu'à ma fin, au plus vivant des deux. Vous me direz qu'il est bien malade, je l'espère. Mais il n'est pas mort, et il peut durer encore s'il ne lui arrive pas un accident. J'étais donc exposé à voir se réaliser mes craintes. Thérèse seule, car Sauriol est exaspéré, lui aussi, ne tardera pas à se faire condamner de nouveau. La nouvelle de votre mariage m'avait inspiré de faire une nouvelle tentative auprès de Thérèse. Cela me donnait une ouverture. Je lui expliquais notre situation et mes craintes en la priant, en la suppliant, de se décider enfin à me rassurer sur son avenir. Pendant longtemps, elle refusa. Et je dois même dire qu'elle le fit avec une violence que je ne lui avais jamais vue. Mais je ne me décourageais pas. J'insistais. Et toute la soirée se passa dans cette lutte. Enfin, elle céda. Ah, elle a consenti ? Elle a consenti, seulement elle veut attendre encore. Mais enfin, elle a fixé une date. Le 31 décembre 1870. Voilà pourquoi vous m'avez vu arriver la figure joyeuse. On peut m'envoyer en prison. J'espère bien que Thérèse ne m'y laissera pas entrer sans prendre Michel pour mari, et qu'alors elle ne s'en tiendra pas à sa date. J'ai bu à votre mariage. Ne boirez-vous pas à celui de ma fille, mon neveu ? Et Antoine tendit son verre au colonel pour que celui-ci le remplît. « Vous me disiez qu'elle avait la fièvre ?» demanda le colonel sans remarquer le mouvement de son oncle. « Elle a mal dormi. Mais après notre discussion, il n'est pas étonnant qu'elle se soit couchée agitée. Me refusez-vous un verre de vin ?